Eh bien, il est 20h et quelques poussières sur le 895 de Radio Duo. Nous sommes le vendredi 19 décembre et c'est la dernière émission de l'année, Pop Dreams, comme tous les vendredis de 20h, non pas jusqu'à 21h30, mais jusqu'à 22h. Un véritable best-of, un véritable feu d'artifice. Évidemment, le trio est reconstitué. Gérard, Jean-Yves, Jacques, bonsoir messieurs. Bonsoir Gérard, bonsoir Jacques, bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Eh bien, bonsoir les amis et bonsoir à tous les gens qui nous écoutent. Alors, il n'y aura pas de sempiternelle question ce soir, à savoir est-ce que vous avez des nouveautés, puisque l'idée n'est pas là. Il n'y a pas de nouveautés, en fait, c'est une rétrospective de l'année 2025. Donc, je vous ai demandé de prendre les 10 titres, 10 albums que vous préférez de l'année. On ne va pas employer trop de superlatifs. Les gens vont dire « Ouais, c'est les meilleurs albums, machin, machin. » Moi, je dis simplement que c'est les albums que j'ai le plus écoutés cette année. C'est tout. Je ne sais pas ce qui vous concerne, si c'est la même méthode que moi. Peut-être pas forcément. Ah bon ? Alors, le choix s'est fait comment, alors ? Les 10 albums ou considérés comme tels, mais le choix est, comme je dis chaque fois, impossible, cornélien. Donc, certains sont passés à la trappe, à regret. Mais il fallait bien sélectionner 10 formations pour les proposer aux éditeurs pour ce best-of. À la fin, on essaiera peut-être de faire un petit tour d'horizon de tout ce qu'on a diffusé, parce que, en gros, on est là toutes les semaines. On est là, je ne sais pas, ça fait combien de semaines par an ? Pas les 52, ça c'est sûr. On fait un break juillet-août. On fait au moins 40, oui, une bonne quarantaine, une bonne quarantaine d'émissions. Oui. Donc ça fait en gros 40 albums multipliés par deux, parce qu'en général, on amène deux nouveautés, enfin en moyenne, elle est une. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à proposer. Bref, en tout cas, on a essayé, c'était un véritable casse-tête. Moi, j'y suis arrivé avec beaucoup de difficultés, comme vous, je pense. Mais à la fin, je parlerai des albums que j'ai pas eu l'occasion de passer, et c'est bien dommage, il aurait fallu faire une émission de 5 heures. Moi, j'ai plus envie de faire ça. Donc d'abord, je n'ai jamais fait ça. Faire une émission de 5 heures, j'ai testé il n'y a pas longtemps avec Boogie, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bref, alors, ça sera par tranche de deux, c'est-à-dire que je vais démarrer, ensuite ça sera Jean-Yves avec deux titres, et bien sûr Jacques, et ainsi de suite. Donc 5 interventions en total. Et on va démarrer tout de suite avec, moi j'ai donné des espèces de petites phrases. Je vais commencer par deux grands songwriters. Ça va être dans l'ordre, on va aller du côté de Lenoir, retrouver l'amitié, l'ami fidèle Chris Church, et ensuite ça sera My Raining Stars. Donc Thierry Alignac, c'est aussi un grand songwriter. Et on va démarrer tout de suite Pop Dreams, donc le best-of, la spéciale, comme on le fait toutes les années, la dernière émission de l'année. C'est parti les amis, allons-y. Satanic band, the devil's got me beat again, and there is Vous êtes bien sur le 895 de Radio Dio. C'est le best-of de Pop Dreams. Donc, on est ensemble jusqu'à 22h ce soir. Donc, on a démarré avec Chris Church. On était du côté de Lenoir en Alabama. Et ensuite, on a retrouvé le Thierry Alignac avec My Raining Stars. Le titre, c'était The Coast Within. Jean-Yves. Pour ma part, donc, je vais ouvrir les hostilités avec le groupe canadien Gauche Woman et leur titre Alive. Et on se rendra ensuite à New York avec la formation Even Six et leur fameux titre Black Wave. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous êtes à l'écoute parce qu'on vous propose le best-of 2025, la crème de la crème. On a entendu dans l'ordre Gauche Woman, extrait d'album Welcome to the Civilized World, le morceau s'intitulait Alive, et on a enchaîné avec Even Six, LP sorti en 2024. J'ai fait une entorse au règlement. L'LP s'intitulait Dream First et c'est Black Wave. 20h21 dans Pop Dreams, le best-of, la dernière émission de l'année. Et bien sûr, c'était au tour de Jacques. Eh bien, écoute, moi, d'abord, avant de commencer, je vais simplement dire que les disques, c'est pas un classement là que je les fais, je les présente dans l'ordre où je les ai présentés au fur et à mesure des dates. Quelle rigueur. Non, mais écoute. Bien mon colonel. Voilà, donc c'est juste pour dire ça. Donc on va commencer, on va aller à Détroit aux États-Unis avec le groupe Spit Circuit. Alors là aussi, c'est un album qui est sorti fin 2024, là, au mois de décembre, qu'on n'a pas eu le temps de présenter, donc je me permets de le présenter. Ensuite, on va rester aux États-Unis avec JC et son nouvel album, qui est l'album Here Come the Good Part. On y va. We'll be right back. Je vous ai présenté deux groupes américains. D'abord Speed Circuit, l'album, un extrait de l'album Survive the Mage, la chanson Sweep Away. Et puis JC, l'album Here Come the Good Parts. Et le titre de la chanson, c'était Bang Bang Runway. 20h28 dans Pop Dream, vous êtes bien dans le best-of de l'année 2025. La dernière émission, donc la 1470e émission ce soir. Et je reprends la main. Après deux grands songwriters, comme je le disais, Creed Church et Thierry Lignac pour My Rolling Stars, maintenant, on va parler de la diversité française. Dans un premier temps, quand je dis diversité française, avec un groupe qui peut être quasiment presque parisien ou français, ça c'est sûr, avec simplement un des membres de Phil Mice. Je parlais de The Gentle Spring, un album que j'ai beaucoup diffusé cette année. Et puis on ira sur un album live incroyable, retrouver l'ami Laurent Siron avec son groupe Middle Class Monsters. Et c'est ce qui prouve la diversité française, le côté pop et le côté très rock'n'roll, power pop de l'ami Laurent. Et on démarre avec Gentle Spring, bien évidemment. Allons-y. To find diamonds and pearls, the pace of life, it leaves little time to observe the important times. It just merges them all into an abstract world. People and places that are frozen in time, stepping away from the curve, ignoring time's arrow, truly alive. Isn't that what we deserve? We'll be right back. because it's cold between the sheets. Salvation. Your wedding was a comedy. The priests were discreet. Will your demons be as funny? I throw some rice when you creed in. Well, no rings and a contract. The promises no lies. You stay to written in a holy book. Tell me, tell me the truth. Sorrow, sweat, and salvation. I'm shaking, turning, going to dance. Robin is still wandering, and Molly starts to brood. Why do we swing so much torture? If we sick of Dr. Hake, joy we've been taught is boring. That's the statement we should tell. Salvation, sorrow, sweat, and salvation. Salvation. La diversité française dans Pop Dreams, c'était dans l'ordre, bien sûr. The Gentle Spring avec Looking Back at the World. Et bien sûr, un des titres de l'album live de Middle Class Monster, Sorrow, Sweat and Salvation. Évidemment, titre signé de l'ami Laurent Siron. 20h36, vous êtes bien dans le best-of. Jean-Yves, eh ben, bien sûr, vas-y mon gars. Je reprends la main, donc pour la suite de ce best-of, on va se rendre à Chicago pour retrouver Laura James Grace et son fameux Ghost Dick, j'en dirai pas plus. Et on ira en Australie, à Melbourne, pour retrouver ce groupe absolument incroyable, The Price, et le fameux titre First Sight. Feels like it's fucking me. C'est la suite de ce best-of. J'espère que vous êtes à l'écoute. On a écouté dans l'ordre Laura James Grace, extrait son album Adventure Club, sorti également en 2024. Et on a enchaîné avec The Price in the Red, sorti en 2025. Et avec la sublimissime, incroyable, elle me fait rêver en plus, Nadine Muller, qui était donc au chant. Très bien, vous êtes bien dans Pop Dreams, le best-of, la dernière émission de l'année. Tous les fantasmes sont au rendez-vous. Complètement. 20h42, et c'est notre ami Jacques qui prend le relais. Bah écoute, moi j'ai pas de fantasme, mais je vais vous dire, on va commencer avec un groupe français. C'est les t-shirts, quelle vie triste et terne. Les t-shirts et les slips. On va commencer avec un groupe français originaire de Nice, le groupe The Zamblaze. Et puis on ira à Nashville, dans la ville au Tennessee, avec Mike Delevent. Central morning, a wintry mix is on the way. This two lane is down, circle away. Whatever the reason I came for, it don't matter anymore. I'm just glad when you're around. Everything fades, even the pictures on the wall. I wish I could picture where you are now. No, I wouldn't change a thing. No, I wouldn't change anything. I'm just glad when you're around. You never know where the winds will blow. Over the hill, I follow. Alors on a écouté le groupe Vez en Blas, un extrait de leur album Duo Mondo Jerk, et puis Mike Delevent, magnifique album, l'album September's Days. Pop Dreams, le trio, peut-être baisser un peu quand même les amis, allons Gérard, reprends-toi. Entre une part de bûche et une coupe de champagne, eh bien, après avoir découvert... On a encore une élocution assez distincte, qu'on ne bégaye pas, on ne bute pas sur les syllabes. Ouais, mais c'est bien, les vieux, en général, ils tiennent bien l'alcool. Hein. Oui. Après les deux grands songwriters, après la diversité française, eh bien, honneur à la région Rhône-Alpes, puisqu'on va, dans l'ordre, en ce qui me concerne, retrouver d'abord le premier album de Lulu. Et puis on ira voir du côté de After Geography, leur là aussi premier album, magnifique. Et on démarre avec Loulou, un titre incroyable, un album magnifique de Power Pop, un de mes albums préférés de l'année. Je ne vous dis que ça les amis, c'est parti pour un tour, allons-y. Ah oui. Demain on verra. comme je le disais, la région... Voilà. La région Rhône-Alpes à l'honneur avec dans l'ordre Lulu, Loulou. Et puis, bien sûr, After Geography avec Feel Alive. 20h56 dans le best-of de Pop Dreams. C'est au tour de notre ami Jean-Yves. Je reprends la main et on va se rendre à Los Angeles, en Californie, pour découvrir un titre du fameux groupe Message. Ce titre fait partie de mon top 5. Le morceau s'intitule Hang On That Feeling. Et on enchaînera en se rendant à New York avec Shy Tooth et le fameux morceau Resign. Newspaper come to your door. Hang on, hold your breath, give your dreams a show. Don't read the words in bold. Sail the sea of the backwards with a ship called love. It's getting closer. Yeah. Il est 21h05 à l'horloge de Pop Dreams, des bien, studios de Radio bien, Dio. Bien joué. Et ça fait 1h05 que nous sommes ensemble pour ce best-of 2025. On a écouté donc, dans l'ordre, Message, le groupe californien. L'album s'intitule Coaster, je le recommande, il faut l'acquérir. Le morceau s'intitulait Hangon Van Feeling. Et ensuite, on enchaînait avec Shy Tooth, Wavelength, l'album. Et c'était le fameux titre Resign. Eh bien, c'est notre ami Jacques. 21h06. Le roi du t-shirt et des slips. Qui prend la suite. L'autre. Arrête de boire du champagne. Ce sont ses seuls fantasmes, donc. Quoi, les slips? Les t-shirts. Je crois que c'était les slips. Je ne permettrai pas. Quoi. On parle pas de sous-vêtements, on va éviter, Gérard. Allez. Je peux y aller? C'est fini? C'est fini votre délire verbal? L'imagerie fine, je veux bien, mais pas les sous-vêtements des garçons, ça m'intéresse. Bon, pas. Alors pour cette troisième partie, on va aller en Australie, à Perth, avec le groupe Feel Alright. Et après, on ira voir en Angleterre, à Londres, avec le groupe de la charmante Elizabeth Morris et sa voix superbe du groupe Hello Darling. Et tu te sens Feel Alright? Tout à fait. Looking in the mirror, my hair is just right. I was driving on a slow street. I had you in the back seat, and I felt full of the expectation of a baby. And it happened in slow motion, and I just wanted to save you. All it was the difference of a moment when I held you in my arms on the side of the road. People stopped their cars to help us. An old man gave me his coat to protect us from the rain gently falling. I wrapped you in strangers' clothes. Happened in slow motion, and I just wanted to save you. All it was the difference of a moment when I held you in my arms on the side of the road. On our way to the hospital, I held your hand in my hand. I remember the look upon your face. Strangely, I was grateful that it happened in slow motion, and I just wanted to save you. All it was the difference of a moment when I held you in my arms on the side of the road. Alors on a commencé avec le groupe Feel Alright, un extrait de leur album How Do You Feel, et puis on a fini avec la superbe voix d'Elizabeth Morris du groupe Hello Darling, et cet album magnifique que je vous recommande, qui s'appelle Bright Night. 21h13 sur 895 de Radio Dio. Qu'est-ce que la bûche est bonne, entre parenthèses. Excellente. Et champagne est délicieux. Écoute, Jacques, on a les yeux qui pétillent. Ouais, Jacques, ça y est, il commence à partir en live écoute, là, avec son petit rire sardonique. Alors, je fais des soirées arrosées de champagne, Jacques, quelques confidences. C'est donc la 1470e et dernière émission de l'année. Je reprends la main après deux grands songwriters, après la diversité française, après la région Rhône-Alpes à l'honneur. Eh bien, ça va être l'hémisphère sud au top, avec dans l'ordre d'abord les Wellingtons, leur nouvel album magnifique. Et puis, bien sûr, un groupe que j'ai vu cette année en concert, je veux parler de The Beff. Mais d'abord, on démarre avec les Wellingtons. We took a trip back. There's a creek I would walk to, and my house felt like a locked room. Lean on little wooden bridges, watch the eels playing cool. I could walk a little further down the dirt path on the shoulder to the biggest waterfall my city limits could produce. Boy, it fell, kept on falling, biting down, carving rock, slow erosion. Lay me here on the stone. I'm only here to feed mosquitoes. Only skin, only blood. A little less now than there was. Une des plus belles voix du circuit, comme on dit, Elizabeth Stokes avec son groupe, c'était bien sûr The Beth. Et juste avant, c'était la nouvelle émanation de ce groupe fantastique qu'on avait reçu à Saint-Etienne il y a quelques années, les Wellingtons, 21h21 sur le 89.5 de Radio Jeu, dans le Best of, la dernière émission de l'année pour Pop Dreams. Et c'est bien sûr Jean-Yves qui prend la suite. Absolument, je continue ce best-of. À cette fin, on va se rendre à Londres pour découvrir un titre, notamment Volunteers, donc du groupe The Science of World. Et après, on ira, je crois, c'est en Indonésie, avec le fameux groupe Tossing Seeds et le morceau Star in Your Eyes. Je vais donc désannoncer ce qu'on vient d'entendre. On a entendu dans l'ordre The Science of World, l'album éponyme sorti en 2025, et le fameux titre Volunteers. On enchaîne avec ce groupe indonésien, Tosin Singh, single sorti également en 2025. C'était Stars, quel beau titre, In Your Eyes. Ça fait déjà 90 minutes qu'on est ensemble, puisqu'il est 21h29, presque 30, dans Pop Dreams, le best-of, la dernière émission de l'année. Et bien sûr, Jacques prend le relais. Allez, monsieur Tricot de Corps, allons-y. Allez, écoutez-les. On va aller en Californie avec un groupe qui s'appelle Humbug et leur premier album, Open Season. Et on va aller ensuite en Angleterre avec le groupe Cream Soda et on les écoute. I saw you break down in the corner of the room. It was no secret, everyone knew, but you kept on explaining your point of view. Can't be sympathetic, 'cause it's not the truth. Then you said you've fallen. I don't need to do it. mon Jaco. Rattrapé par la patrouille. Ouais, par la patrouille. Donc on a écouté d'abord en premier le groupe américain Humbug, un extrait de l'album Open Season, et puis cet album magnifique qui vient d'Angleterre, le groupe Cream Soda, et leur album Serving You. Alors, en ce qui me concerne, la dernière salve, après les deux grands songwriters du début, après la diversité française, après la région Rhône-Alpes à l'honneur, après l'hémisphère sud au top, eh bien, je termine avec l'Australie éternelle, avec dans l'ordre d'abord les gnomes, avec probablement un des deux meilleurs albums de l'année me concernant. Et puis on finira bien sûr à tout seigneur, tout honneur, avec bien sûr Dominique et Mariani qui vient nous susurrer une chanson. Donc les gnomes et Don Mariani, on commence bien sûr par le groupe de Melbourne. Allons-y. We'll be right back. chance to talk. You're so nice, I got to get to know you. I'm a fool if I let a chance like this go by. Hi there, it's Don Mariani here from DM3. I'd like to congratulate and pass on my personal best wishes to Gerard and Bob for achieving their 300th show for Pop Dreams. And I'd like to thank you for all your support, all the fans for supporting us there. Well done, and we'll see you soon. Ah, j'ai pas pu m'en empêcher. Après donc les Gnomes et Don Mariani, un petit jingle que Don Mariani avait fait pour la 300e, donc il y a bien longtemps, pour nous féliciter, pour nous congratuler sur cette émission. On aura d'ailleurs, j'ai une petite surprise à la fin de l'émission, je pense qu'on pourra quand même en dire deux mots, un petit cadeau de Noël, on va dire. Allez, 21h43, c'est au tour de Jean-Yves. Attends Jean-Yves, j'ai ici, il faut peut-être que je te montre ton micro, autrement tu veux parler dans le vide. Je disais donc que je close ce best-of avec les deux plus belles voix de la scène australienne. On va aller à Melbourne pour découvrir donc Rachel Lane, qui est la chanteuse du fameux groupe Rocket Rules, et son titre Add Up All The Chances, et surtout celle qui occupe la première marche du podium, c'est Jenna Owens de Gimme et son fameux titre Another Day. Je vous dis, les amis, c'est oui, dis-nous, dis-nous. Que j'ai le plus écouté cette année. Je l'ai écouté en boucle, dizaines et des dizaines de fois. Et je suis gagné par la même émotion chaque fois que je découvre cette voix absolument incroyable. Gemma Owens de Gimme. Je crois que tu partages également cela. Ah oui, je suis comme un dingue. Ouais. 21h50, on va finir par le roi du marché de Carnot. Alors, il ne sait plus quoi inventer comme connerie. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes On va retourner en Californie avec le groupe Trestles. Et puis, on va aller finir en Angleterre avec le groupe qui a un nom très difficile à prononcer, Brutalist Gators. Don't diamond and contract with the great benefits. Put my name on a mortgage, now in debt until death. Relationship stable, if not slightly precarious, in moments of quiet. Got me thinking, what's next? Made a list of the pluses and minuses. Looks good on paper, so it must be correct. I'm pretty sure that the pluses are counterfeit. I need a recount, it's all bullshit. Now I'm screaming, what's next? What's next? Got me thinking, what's next? It's a falling apart, I can handle the dread. Got me thinking, what's next? Got misgendered again, because my passing's exemplary. Citalopram, alcohol, hypnosis and therapy. I feel it most times that my brain's trying to murder me. They say breathe in and relax. What's next? What's next? Got me thinking, what's next? It's a falling apart, I can handle the dread. Got me thinking, what's next? Personal trainer, got a brand new guitar. I can't keep it in tune, everything feels bizarre. I feel sick to my stomach, I feel weird at the house. Think I'm slowly withdrawing, and I'm scared I'll allow another panic attack in. It'll slip through the gaps and it keeps growing inside me till it burns through my eyes. Eh bien, on a terminé avec le groupe Trestle, le groupe californien, et leur album Head First. Et là, le groupe Brittles Gators avec l'album Still Here, ce groupe typiquement anglais. Eh bien, il est 21h57. J'ai remis un peu de musique d'ambiance. Fameux disque de Phil Spector qui s'amusait à demander à des chanteuses de chanter des chants de Noël. Donc là, c'est Darling Love. Non, vous entendez au moins ? Bien sûr, si, distinctement. On l'entend, oui, en fond sonore. Ouais, c'est très agréable. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, voilà. On pourrait quand même dire que ça a été une sélection difficile pour nous trois, qu'on a oublié pas mal d'albums. Alors, moi, je voulais commencer par préciser que là, c'était une sorte de top 10, mais là-dedans, j'aurais pu inclure les Sun Drives, les Lucky Shots. Les Chords, ce fameux duo avec les deux frangines, les Telephone Numbers que j'adore, dernier album qui s'appelle Scarecrow, les Bel Air Lip Pumps que j'ai adoré aussi, l'album des Lemonheads, le retour des Lemonheads, très très bon, un certain Joe Armstrong, Anastasia, que je vous avais fait découvrir, vous savez, cette chanteuse nigérienne, très, très particulier, oui, oui. Avec une voix qui susurrait, c'est pas ça, Nina Simone, les Flathead, le groupe marseillais. Les Mayflies USA, j'ai beaucoup aimé Kickless Kids. Le petit 25 cm de Common Common, le groupe belge qu'on a beaucoup, beaucoup diffusé. L'album de l'Australien Brian Estepa, Sandra's Wedding. L'album des Spitzville qui s'appelle Mob Town, qui est sorti sur le label. Ça y est, tu sais, de Christina et de Rex. Big Steer Record. Big Steer Record, voilà. Gingerella aussi, un maxi absolument incroyable de ce groupe anglais. Bob Mould, l'album de Bob Mould qui s'appelle Here We Go Crazy, que j'ai vachement aimé. Field Hospitals, les Tubbs, le second album des Tubbs, groupe anglais aussi excellent. Caper Clowns, l'album de Robert Plant, Saving Grace. Fortitude Valley, je rajouterai le Ryan Allen, le One Week Off. Dire qu'il y a eu d'excellents singles aussi, comme d'habitude, les singles de Shakesome qu'on passe régulièrement. Ils en font toujours 3-4 par an. Blue Herons, ça j'attends l'album qui devrait sortir début d'année. Danny McDonald aussi. Et puis Hot Nun, donc l'une émanation de Jeff Shelton, un vieil ami de la côte ouest. Jacques, tu pourrais rajouter quelques trucs, toi, non ? Eh bien, écoute, moi, oui, j'ai l'album de Jelly Bricks, The Laughing Chimes, l'album aussi de Shapes Like Peoples, le groupe The Autumn Heart, le nouvel album des Lolas, que j'avais bien aimé, l'album de The Slow Summits, le groupe The Capellas, le petit dernier de I Was The King, bien entendu. Et puis l'album Coast Arcade. Alors, il y a deux autres albums que j'aurais pu mettre dedans parce que je les ai trouvés magnifiques. D'ailleurs, je pensais que tu allais les mettre. Ah. Bon, il y a le Don Mariani, bien sûr, mais ça, je savais que tu allais le mettre. Je l'ai mis. Mais il y a l'album Primary Colors de Dropkick. C'est vrai que j'aurais pu mettre, effectivement, que j'ai un peu oublié. Ouais, que je trouve magnifique. Et puis dans les singles, bah, écoute, je les ai passés la semaine dernière. Le nouveau single de Lemon Twigs. Et puis le dernier single d'English, d'Azel English. Alors toi, Jean-Yves, on te prend un peu au dépourvu, hein, parce que absolument, c'est vrai que tu n'as pas pensé. C'est un exercice auquel je me livre peu. Et ouais, j'ai fait un effort de mémoire en dernière minute. Bien entendu, je n'ai pas pu sélectionner l'album de The Keys, le groupe londonien qui est absolument exceptionnel. Il y avait le groupe australien Delivery qui était excellentissime. Les Américains States, autre australien Equal Parts qui avait fait un EP 4 titres très brillant inspiré par Bowie. Et les Talking Heads. Il y avait The Spirals, les New Yorkais Roger and Butlers. Et il y avait le fameux groupe américain, donc très rock'n'roll, Sorry Darling, et bien d'autres, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça a été incroyable cette année, on dit à peu près toutes les années, mais je trouve particulièrement 2025 a été une année hyper riche, et sur toute l'année, c'est ça qui est incroyable. Il faut dire qu'on va remercier spécialement l'homme des tricots de corps, parce qu'il fait un travail incroyable, énorme, Jacques. il fait un travail de défrichage de dingue. Mais je le vois au petit matin comme ça, avec son bol de café devant lui, en slip, et puis devant son écran, en train d'essayer de trouver des choses. Alors, ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'année qui s'annonce donc, sera aussi riche que celle qui se termine bientôt. Là tu te fous complètement le doigt où je me pense. Et qu'on ne verra pas en petite culotte et en slip devant mon ordinateur le matin. Je sais pas, je te dis que t'es charentaise. Je sais pas. Non, c'est vrai. On revient à l'essentiel, Gérard ? Oui. Absolument. Oui, pour dire que... Tu voulais parler concerts. Des concerts exceptionnels. Bah, j'en ai vu quelques-uns. Donc, ça a commencé au mois d'avril avec les Metzingers. J'étais très heureux de découvrir ce groupe que tu nous as fait en particulier découvrir, Jean-Yves. Un groupe américain incroyable que j'ai vu à Barcelone. Le 30 juillet, j'ai vu Robert Plant donc, dans un lieu admirable. C'est un vieux théâtre du 19e barcelonais. Qu'est-ce qui te fait rire, Jacques ? Rien. Je pense à tes conneries. Faut pas. Et le 14 novembre, j'ai vu donc Dropkick. C'est vrai que j'aurais pu en parler. Et j'en avais parlé, bien sûr. J'ai vu, je crois, vraiment le concert de l'année, c'est les Reflectors. J'ai trouvé incroyable. Incroyable, ce groupe vraiment de la côte ouest américaine. Et j'ai terminé le lendemain avec The Beff. Dire un merci spécial à notre ami Bruno de Dangerous, parce que mine de rien... Il fait un travail incroyable, il défriche et il découvre des groupes et des artistes qu'on arrive à passer régulièrement dans son émission. On peut citer aussi Big Steer, on peut citer Cool Cat Music aussi de Ray Gangetti qui nous fournit régulièrement des trucs. Et puis remercier bien sûr tous les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent régulièrement. Qu'on a d'excellents retours en plus et on les remercie infiniment. Ouais. Et puis bien sûr, j'allais dire le premier cercle qui nous concerne. Voilà, qui est suffisamment à l'écoute et critique. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Je crois qu'on va peut-être mettre une petite médaille, une petite palme à un duo, Michel et Marie. Ah, oui. Hein, on les embrasse. Nos plus fidèles auditeurs. Ouais. Voilà. Et puis, bah, justement, à propos de. Puisqu'on parlait de Don Mariani, de Michel et de Marie. Je veux juste faire une petite annonce comme ça pour les gens qui nous écoutent encore à 22h04. Normalement, si tout va bien, au mois d'avril, on aura la chance qu'il soit parmi nous. Donc, on peut le dire, Don Mariani, qui sera normalement dans les parages pour faire un concert. Donc, on est assez content, heureux, honoré que l'ami Dominique vient nous voir. On va garder le lieu secret. encore. Ouais, on dira. On va pas le dévoiler. On le dira parce qu'il faut quand même que ça se confirme. Mais normalement, oui, tout va bien pour que ça se fasse. Et moi, ça me fait super plaisir. Voilà. Et puis surtout d'avoir peut-être la possibilité de retrouver certains auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Hein. Oui, j'espère qu'ils se déplaceront nombreux. Ouais. C'est peut-être. Voilà. Trop leur demander. Tu veux retenir le stade Geoffroy Guichard alors? Non. peut-être pas, mais. Ça sera un lieu certainement très bucolique. Donc, ça, clair. Pour être bucolique, à mon avis, ça va être bucolique. Hein, je me demande s'il ne va pas falloir mettre une côte de maille et un casque. Non, on verra. En tout cas, on espère. Les sarrasins. Ça sera certainement donc au mois d'avril. On vous en reparlera. On va vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. Merci pour l'écoute de l'année, hein, puisque donc on est là toutes les semaines quasiment. Et comme je l'ai déjà dit il n'y a pas si longtemps, si tout va bien, fin juillet ou plutôt à la rentrée, on devrait faire la 1500e émission. Mmh. Et après on arrête. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On fait un auto-da-fé, on brûle tout. On verra qu'on y arrive on déjà. On part en vacances, effectivement. Tu, voilà. Tu voulais pas dire que notre ami Martin... Je t'en prie, Jacques. Oui, effectivement, d'habitude, notre ami Martin, ça fait déjà une demi-heure qu'il a pris l'antenne. Donc, on l'a pas trucidé, rassurez-vous. Non. Il est pas sous la console. Il est resté sagement chez lui avec femmes et enfants. Ouais. Voilà, tout à fait. Il nous a laissé une liberté incroyable. On le remercie, Martin. Et vous le retrouverez, je présume, la semaine prochaine. Nous, ça sera pas avant le... Le 9 janvier. 9 janvier. Voilà, je crois qu'on a tout bon dit. Bon week-end et bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. Ouais. Et puis, merci pour votre écoute. Et puis, encore une fois, on va mettre quand même peut-être le vrai générique parce que je ne l'ai pas lancé, mais quand même. Si tout va bien, il est calé. Voilà, c'est parti. On va laisser Phil Spector. Et on va vous souhaiter effectivement de joyeuses fêtes. À bientôt et merci pour tout. À bientôt. Ciao. Bye, bonjour. Like a half a meal, I feel like Ali Vegas. Precise calculus.